Alléluia. Alléluia. Precious people. Gens précieux. Turn with me now to Matthew 24. Tournez avec moi à Matthieu 24. Alléluia. Alléluia. I am reading from verse 1. Je suis en train de lire du verset 1. Matthew 24. Matthieu 24. He says. Il dit. Jesus left the temple. Comme Jésus s'en allait. And was walking away. Au sortir du temple. When his disciples came to him to call his attention to its building. Ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Do you see all these things? He asked. Est-ce que vous voyez toutes ces choses? Demanda-t-il. I tell you the truth. Je vous dis la vérité. No stone here will be left on another. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Everyone will be thrown down. Toutes vont être renversées. Again. Encore. He says, I tell you the truth. Il a dit, je vous dis la vérité. Not one stone here will be left on another. Il n'y aura pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Everyone will be thrown down. Chacune va être renversée. The disciples were shocked. Les disciples étaient choqués. Verse 3. Verset 3. As Jesus was sitting on the Mount of Olives, comme Jésus était assis sur la montagne des Oliviers, his disciples came to him privately. Les disciples sont venus à lui en particulier. Tell us, they said. Dis-nous, ont-ils dit. When will this happen? Quand cela arrivera-t-il? And what will be the sign of your coming? Et quel sera le signe de ton avènement? And of the end of the age. Et de la fin du monde. Verse 4 is very important. Le verset 4 est très important. That's where the prophecy begins from. C'est là que la prophétie commence. When he begins to respond. Quand il commence à répondre. Verse 4, he says, au verset 4, il dit. Jesus answered. Jésus leur répondit. Watch out. Prenez garde. I want to stop there. Je désire arrêter là. I have to stop. J'ai à arrêter. Why do I have to stop? Pourquoi est-ce que je dois m'arrêter? Because the first thing he says is watch out. Parce que la première chose qu'il dit, c'est prenez garde. Which means at that time there will be need to watch out. Ça signifie que pendant ce temps, il y aura un besoin de prendre garde. Nobody will ever lie to you again. Plus personne va vous éclairer encore. Nobody. Plus personne. None will lie to you. Personne ne vous éclairera. In the name of the Lord. Au nom du Seigneur. The first thing is, watch out. La première chose qu'il dit, prenez garde. That no one deceives you. Que personne ne vous trompe. If I were you and I meet the word deceive, I would underline, I would mark it. Si j'étais vous, quand je rencontre le mot décevoir, je le soulignerai, je le marquerai. Watch out that no one deceives you. Prenez garde que personne ne vous déçoive. For many will come claiming I am the Christ. Car plusieurs viendront disant je suis le Christ. And will deceive many. Et ils décevront beaucoup de gens. If I meet another one, deceive, I underline. Si je rencontre un autre décevoir, je veux le souligner. If I meet the word claiming, I'll underline. Si je rencontre le mot revendiquant, je veux le souligner. Hey, now we have entered the Olivet. Maintenant, nous sommes entrés dans Olivet. The moment of truth has come. Le moment de vérité est arrivé. He says, il dit, watch out. Prenez garde. That no one deceives you. Que personne ne vous déçoive. Watching out and deception. Prendre garde et la déception. Because many will come and deceive many. Parce que beaucoup vont venir et en décevoir beaucoup. And say, I am the Christ, and deceive many. Et dire, je suis le Christ, et en décevoir beaucoup. So, the first prophecy, alors, la première prophétie, the first key, prophecy key, la première prophétie clé on the Mount of Olives prophecy, de la prophétie du Mont des Oliviers is that there would be a dispensation of deception. Que ça va être une dispensation de déception. For the first prophecy key, alors, la première prophétie that he gives in your hand, qu'il met entre vos mains to open the revelation, the door into the revelation, pour ouvrir la révélation, la porte de la révélation, to know the signs of when he's about to come, de savoir les signes de quand il va venir, that there will be a tremendous dispensation of deception. Mais ça va être une énorme dispensation de déception. Alléluia. Alléluia. Lies. Mensonge. Falsehood. De fausseté. And today you will be shocked because, et aujourd'hui, vous allez être choqué parce que when I now take you to the book of Revelation to receive the transcript of this prophecy, quand maintenant je vous emmène au livre de l'Apocalypse pour recevoir le transcrit de cette prophétie. Let us go to the second part. Allons à la seconde partie. Second part. Seconde partie. He was continuing giving the prophecy of what the signs will be. Il était en train de continuer à donner les prophéties de ce que les signes vont être. Look at what he said. Regardez à ce qu'il a dit. He said, il a dit, you will hear of wars and rumors. Vous allez entendre à propos de guerre et de rumeurs de guerre. But see to it that you are not alarmed. Mais en voyant cela, ne soyez pas alarmés. Such things must happen. Car il faut que ces choses arrivent. But the end is still to come. Mais ce ne sera pas encore la fin. Nation will rise against nation. Une nation s'élèvera contre une nation and kingdom against kingdom. Et un royaume contre un royaume. Alléluia. Alléluia. I want to stop there. Je désire m'arrêter là. That's another prophecy item. C'est un autre détail de la prophétie. Alléluia. Alléluia. He says, il dit, number one, numéro un, if you were writing the Olivet prophecy, si vous écrivez la prophétie Olivet, number one will be the great deception. Le numéro un, ça va être une grande déception. Or the grand deception. Ou la grande déception. Number two. Numéro deux. Wars or bloodshed. Des guerres ou des effusions de sang. The moment of truth has arrived, right? Le moment de la vérité est arrivé. But listen to the second prophecy key. Mais écoutez la seconde prophétie clé. In the most important prophecy in the whole Bible combined. Dans la plus importante prophétie de toute la Bible jointe. He said, il a dit, there will be wars, il y aura des guerres and rumors of wars, et des rumeurs de guerre. Which means bloodshed. Ce qui signifie des effusions de sang. And then he says, et ensuite, il dit, listen, écoutez, he says, il dit, nation will rise against nation. Des nations s'élèveront contre une nation. And kingdom against kingdom. Et un royaume contre un royaume. Let me summarize it for you. Laissez-moi résumer cela pour vous. Which means in the second prophecy, ce qui signifie que la seconde prophétie, he talks about bloodshed that would come. Il parle à propos d'effusion de sang qui vont venir. But he divides them into two. Mais il les divise en deux. Two types of wars. Deux sortes de guerres. The first one he just calls wars. La première, il l'appelle juste des guerres. The next one he says, la suivante, il dit, the war between one nation and another nation. La guerre entre une nation et une autre nation. One kingdom and another kingdom. Un royaume contre un autre royaume. The Lord, le Seigneur, he took me to South Korea. Il m'a amené en Corée du Sud in July, en juillet 2010. 2010. Then when I came, I gave a prophecy there. Et quand je suis venu ici, j'ai donné une prophétie là-bas. When I just entered, when I was asleep in the night, quand j'étais juste arrivé, quand j'étais en train de dormir pendant la nuit, the Lord took me to the border, le Seigneur m'a amené à la frontière and showed me the war breaking out between North and South Korea. Et m'a montré la guerre qui était entre le nord et le sud de la Corée. And you know, they are armed with nuclear weapons. Et vous savez, ils sont armés avec des armes nucléaires. So I went to Seoul, Incheon, Busan, Boryeong, where all the towns. Alors, je suis allé à Séoul, Daejeon, Busan, Boryeong, toutes les villes. Most of the cities. La plupart des cités. Big meetings like this, and even bigger. Des grands rassemblements. Giving the message on the coming of the Lord. Donnant le message de la venue du Seigneur. But also giving the prophecy of bloodshed coming, war coming. Mais aussi donnant la prophétie de la venue d'effusion de sang, de la venue de guerre. Then I returned to South Korea. Ensuite, je suis retourné en Corée du Sud. Did a big meeting in the World Cup Stadium. J'ai fait un grand rassemblement dans le stade de la Coupe du Monde. Asleep like this in the hotel. Dormant comme ceci à l'hôtel, I saw the dreams of the Lord again. J'ai vu le rêve du Seigneur encore. And I saw war coming. Et j'ai vu venir la guerre. So the church leaders, alors, les leaders des églises, the bishops, les bishops, they took me to what they call the DMV. Ils m'ont amené à ce qu'ils appellent le DMZ. The demilitarized zone. Dans la zone militarisée. Where guns are facing each other. Quand les fusils sont face à face. The guns of North Korea, the guns of South Korea. Les fusils des Nord-Coréens contre les fusils des Sud-Coréens. They are all facing each other. Ils sont tous en train de se faire face. Since the 50s, when the war broke out. Depuis les années 50 où la guerre a éclaté. When they fought. Quand ils ont combattu. Guns have been facing each other. Des fusils se sont fait face. There is no single day. Il n'y a pas un simple jour. When guns exchange bullets. Où les fusils échangent des balles. Since then. Depuis là. When secretly at night, quand secrètement, pendant la nuit, a torpedo was shot by North Korea and crushed, hit one of the ships, the military ship. Une torpille était tirée par les Nord-Coréens et a balayé, a frappé un des bateaux, un bateau militaire. And the United Nations investigated, ni, it was going on. Et les Nations Unies ont investigué. So when I arrived there, alors, quand je suis arrivé là, I stood there, then I told the bishops there, je me suis tenu là et j'ai dit au bishop là, I said, oh, I cry for South Korea. J'ai dit, oh, j'ai prié pour la Corée du Nord. My tears flow for South Korea. Mes larmes coulent pour la Corée du Sud. Cry for both Koreas. Je pleure pour les deux Corées. I said I weep for you. J'ai dit, je verse des larmes pour vous. What has happened? Tell us. Ils ont dit, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-le-nous. At the border, à la frontière, where guns are facing each other. Où les fusils se font face. And then I say, et ensuite, j'ai dit, I told them, oh, I have been here before in a dream. Je leur ai dit, oh, j'ai été là avant, dans un rêve. And I see an exchange of fire. Et j'ai vu un échange de feu. And I see hell fire poured from the other side. Et je vois le feu de l'enfer pleuvoir depuis l'autre côté. From north to south. Du nord au sud. Because the first prophecy of war, parce que la première prophétie de guerre was talking about the missile that is on a truck, était en train de parler du missile qui est sur un camion that I saw in the dream, que j'ai vu dans un rêve that is going to be fired and it will hit the power supply nerve center of South Korea, qui va être allumé et ça va frapper le centre qui fournit l'électricité. And there's a blackout. Et ça donnera un arrêt total d'électricité. But this time I was saying there is going to be exchange of bullets. Mais au moment où j'étais en train de dire qu'il va y avoir un échange de balles, after that, après cela, I told the bishop I must leave to Kenya, I must go. J'ai dit au bishop, je dois retourner au Kenya, je dois partir. I packed my things. They said, no, we have arranged big stadiums. J'ai empaqueté mes choses et ils ont dit, non, on a arrangé le grand stade. Big stadiums, other cities. I said, no, the Lord says I must go back now. Le grand stade, beaucoup de villes. Et j'ai dit, non, le Seigneur dit, je dois retourner maintenant. And I came back. Ils sont revenus. They were very shocked. Ils étaient très choqués. Because they had put publicity on TVs everywhere, radio, newspaper, everywhere. Parce qu'ils avaient mis de la publicité à la TV, à la radio, dans les journaux, partout. But because the Lord said, go back. Mais parce que le Seigneur a dit, retourne. And I saw myself going back. Et je me suis vu retourner. I had to obey. J'avais à obéir. October 29th. Le 29 octobre, October 29th, le 29 octobre, I was very shocked. J'étais très choqué, very, very stunned. Très, très abasourdi, when exchange of gunfire broke out between the two Koreas. Quand les tirs d'artillerie ont éclaté entre les deux Corées, very shocked. Très choquant, very shocked. Très choquant, surprise. Une surprise. And when you look at the hell fire that came from the North Korea. Et quand vous voyez au feu d'enfer qui vient de la Corée du Nord, to south, au sud, I saw and I was stunned. J'ai vu et j'étais abasourdi. He said, il a dit, there will be wars, il y aura des guerres and rumors of wars, et des rumeurs de guerre. When I came to Kenya 2004, quand je suis venu au Kenya en 2004, and said, et que j'ai dit, Kenya, Kenya, I see blood flowing here. Je vois du sang couler ici. Okasema, oh, don't listen to that man. Ils ont dit, n'écoutez pas cet homme. Kenya, Kenya, I see you going to refugee camp. Je vous vois aller dans des camps de réfugiés. They say, how does that happen? Ils ont dit, comment est-ce que ça peut arriver? We are hosting refugees. How can we now enter refugee camps in our own country? Nous sommes en train de recevoir des réfugiés. Comment est-ce que nous on irait dans des camps de réfugiés dans notre propre région? Now you understand. Maintenant, vous comprenez. Why God sends me to prophesy these things? Pourquoi Dieu m'a envoyé pour prophétiser ces choses? Every time God speaks, chaque fois que Dieu parle, you must find it in the Bible. Vous devez le trouver dans la Bible. These are the wars he talks about. Ce sont les guerres dont il parle. But there is another type of war. Mais il y a une autre sorte de guerre. The war in Iraq. La guerre en Irak. The war in Afghanistan. La guerre en Afghanistan. The drug wars in Mexico. Les guerres de la drogue au Mexique. He said, il dit, there will be wars. Il va y avoir des guerres. Nation will rise against nation. Une nation va s'élever contre une autre nation. Now your eyes are opening. Maintenant, vos yeux s'ouvrent. When you watch your TV, you'll never watch it as usual again. Quand vous regardez votre télévision, vous ne voulez plus la regarder comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant. You'll use your spiritual eyes to see. Vous allez utiliser vos yeux spirituels pour voir. For the purposes of knowing the dispensation. Dans le but de connaître les dispensations. But wait for the revelation is what will shock you. Mais attendez la révélation qui vous choquera. He continues with the third prophecy. Il continue avec la troisième prophétie. Within the Olivet prophecy. À l'intérieur de la prophétie Olivette. He says, il dit, there will be famines and earthquakes in various places. Il va y avoir des famines et des tremblements de terre dans différents endroits. There will be famines and earthquakes in various places. Il va y avoir des famines et des tremblements de terre en différents endroits. That's very big right there. Ça, c'est très grand. Écrivez-le. When I came to Kenya, quand je suis venu au Kenya, 2004, en 2004, 2005, en 2005, March, April edition of the Christian newspaper, l'édition de mars-avril du journal chrétien, I published in the streets of Nairobi, que j'ai publié dans les rues de Nairobi, and I said, et je dis, there are earthquakes coming to Kenya. Il y a des tremblements de terre qui vont venir au Kenya. Everybody laughed. Tout le monde riait. People laughed until their teeth became white. Il y a des gens qui ont ri jusqu'à que leurs dents deviennent blanches. They said, since when? Ils ont dit, depuis quand? Before I left for India. Depuis que j'ai quitté les Indes. February 22nd, 2007, I said, Kenya, I see you running, I see your building shaking, I see earthquakes. Le 22 février 2007, j'ai dit, Kenya, je vous ai vu courir, j'ai vu vos immeubles trembler, je vois un tremblement de terre. Again. Encore. Everybody laughed. Tout le monde a ri. Some people went on TV and even dared to preach against it. Quelques personnes sont venus à la télévision et même ont essayé de prêcher contre ceci. They preached against the message of the Lord. Ils ont prêché contre le message du Seigneur. And they said they're servants of God. Et ils ont dit qu'ils étaient des serviteurs de Dieu. Hasn't the Lord spoken with me? Est-ce que le Seigneur n'a pas parlé avec moi? Now, maintenant, look at what happened in July. Regardez ce qui s'est passé en juillet. Running up and down Nairobi. Courant à haut en bas à Nairobi. I think the whole country probably. I was not here, but I think the whole country. Je pense que toute la contrée probablement. Je n'étais pas là, mais je pense que toute la contrée. November 22nd. Le 22 novembre. Up to November 28th. Jusqu'en novembre le 28. 2009. 2009. I went to Haiti. Je suis allé à Haïti. I went there November 22nd. J'étais là-bas le 29 novembre. To November 28th. Jusqu'au 28 novembre. And I said, et j'ai dit, both in the Dominican Republic and that Haiti, one island of Hispaniola. Les deux, la République Dominicaine et Haïti, une île espagnole. I said, there is a historic earthquake coming here. J'ai dit, il y a un tremblement de terre historique. qui vient ici. And I said, repent from sexual sin. Et j'ai dit, repentez-vous de péchés sexuels. Sexual lust. Convoitise sexuelle. Lusting at women. Convoitons les femmes. Also lusting at men. Aussi la convoitise des hommes. Also men lusting at men. Aussi des hommes convoitant d'autres hommes. And women lusting at women. Et des femmes convoitant d'autres femmes. And women lusting at men. Et femmes convoitant des hommes. And men lusting at women. Et hommes convoitant des femmes. In the church. Dans l'église. And I say, et j'ai dit, there is homosexuality in the beaches. Il y a de l'homosexualité à la plage. And I said, the Lord says, repent, or else there is a historic earthquake coming. Et j'ai dit, repentez-vous, sinon il y a un tremblement de terre historique qui vient. And I said, there is the gospel of prosperity in the church, and the church has fallen. Et j'ai dit, il y a un évangile de prospérité dans l'église, et les églises sont tombées. That's why they need to repent. C'est pourquoi ils ont besoin de se repentir. I said this thing. J'ai dit ces choses. I went to Puerto Plata. Je suis allé à Puerto Plata. November 22nd, 23rd. Le 22 et le 23 novembre. I went to Ciudad Santiago. Je suis allé à Ciudad Santiago. There are different Santiago. This Santiago de Dominicana. Il y a différents Santiago. Ça c'est le Santiago de l'île dominicaine. There is Santiago in Cuba. There is Santiago also the capital city of Chile. Il y a Santiago à Cuba et il y a aussi Santiago, capitale du Chili. But this is the one in the Dominican Republic. Mais celui-ci est celui de la République dominicaine. And then I went to the city of Higüey. Et ensuite, je suis allé dans la ville de Higüey. After I finished, I walked out. Et quand j'ai fini, j'ai quitté. Come January 12th. Le 12 janvier 2010. 2010. That prophecy was fulfilled. Cette prophétie était accomplie. And the whole earth. Et toute la terre. Remain shocked until today. Reste choqué jusqu'à aujourd'hui. I was preaching in City Hall that January. J'étais en train de prêcher au City Hall en janvier à cette place. Before it happened. Avant que ça arrive. It has happened. Maintenant. That's why I gave you the prophecies. C'est pourquoi je vous donne les prophéties. I also went to Chile. Je suis aussi allé au Chili. January 2009. En janvier 2009. Santiago. In fact, I even went all the way to Concepcion. Santiago. En fait, je suis même allé jusqu'à Concepcion. Concepcion, Chile. Concepcion, Chili. That is the end of the earth almost. Ça c'est presque le bout du monde. When you look at South America now, that's the end there. Quand vous voyez l'Amérique du Sud, c'est la fin ici. January 2009. Janvier 2009. And I said, et j'ai dit, repent Chile. Repends-toi, Chili. Repent the church in Chile. Que l'église du Chili se repente. Otherwise, there is a historic earthquake. He will shake you. Autrement, il va y avoir un tremblement de terre historique qui va vous secouer. And I also went on TVN. Et je suis aussi allé à la TVN. Télévision nationale de Chile. Télévision nationale du Chili. TVN. TVN. Which is a global television. Qui est une télévision globale. Six continents receive them. Six continents les reçoivent. And I went to the program called Open Doors. Et je suis allé sur le programme appelé Portes Ouvertes. Puertas Abiertas, Open Doors. Portes Ouvertes. By Bishop Eliodoro. Par le Bishop Eliodoro. He is the host. Il est l'hôte. So we sat there and I said, alors, nous nous sommes assis là, et j'ai dit, there is a historic earthquake coming here, he will shake this land. Il y a un tremblement de terre historique qui est en train de venir ici.